It's a Truc, émission créée par Anchieta Irratia et le Centre Social d'Enensat et financée par la Crèche, Commission Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire. Bienvenue sur Anchieta Irratia, 90.5 et 89.7. Nous sommes donc en direct avec Frédéric qui est de l'autre côté. Bonjour Fabrice. Bonjour Frédéric, bienvenue. Donc aujourd'hui on va parler un peu de ce qui s'est passé déjà dimanche dernier, collectif famille. Oui. Voilà. Et tu vas nous présenter un petit peu la Corica, c'est ça? Oui, la Corica qui est passée sur Andaï. D'accord, très bien, parfait. Et après, je pense que tu vas nous proposer, comme d'habitude, l'agenda culturel en fin d'émission. Oui, avec ton aide. D'accord, tout à fait, il n'y a pas de problème. Donc nous sommes ici présents sur les avec Anchieta Irratia et dans l'émission It's a Truc. Voilà, avec Eric. Oui. Donc une émission en partenariat avec le Centre Social d'Andaï et financée par la Crèche. Voilà, bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur le blog itsatruc.wordpress.com. Commencer cette émission avec une conférence qui a été réalisée par toi, Fred. Oui. Voilà, donc tu étais présent à cette conférence. Oui, c'était libre à tout le monde. D'accord. Donc, ça s'est passé où? C'était à la Villa Mairie, au deuxième étage, à l'annexe du Secours catholique. Oui. Et c'était organisé par le comité français de la lutte contre la faim. D'accord. Donc catholique. Donc on te remercie, on va donc écouter cette interview qui était... Concrètement, on est parti un groupe de 17, l'équipe diocésaine nous a proposé à Nico et à moi si ça nous intéressait, on n'a pas hésité très longtemps, le temps de régler le problème logistique, et puis donc on était 17 du Grand Ouest en fait, et avec l'évêque d'Agen qui nous a accompagnés. Donc voilà, comme on a pu le voir, donc en fait il y a deux missions du CCFD. D'une part, aider les partenaires au sud, donc c'est ce qu'on va nous montrer nous à travers l'exemple des Philippines qu'on a vécu. Et l'échange en fait c'est après en France c'est de la sensibilisation à la solidarité internationale. Voilà. Alors monter au fur et à mesure un peu notre expérience et le vécu qu'on a eu sur place aux Philippines. Un petit zoom sur les trois principales régions en fait qui existent. Donc il y a la province de Luzon avec la capitale Manille. Il y a les Visayas qui est un ensemble d'îles et la province de Mindanao qui a la particularité d'être une province assez problématique parce que en guérilla, une majorité là par contre c'est une majorité musulmane. Et puis bon, on verra après des groupes islamistes qui font que c'est assez tendu comme situation par rapport au gouvernement central. Les Philippines, elles ont maintenu à sortir leur nom quand le roi d'Espagne, Philippe II, qui avait envoyé l'expédition de Magellan. Magellan a découvert les Philippines, elles existaient déjà, mais il a découvert les Philippines. D'ailleurs, il est mort aux Philippines, donc c'est pas lui qui a terminé le premier tour du monde, c'est son second, Legazpi, qui était un Basque d'ailleurs. C'est pour ça qu'aux Philippines, ils connaissent le Pays Basque, ils savent le situer en Europe. Alors, quand on parle de la France, ils nous situent à peu près aux États-Unis. Quand on va faire la présentation dans les écoles, pratiquement aucun collégien sait présenter les Philippines. Hein. Ils nous situent aussi la plupart du temps en Amérique du Sud. Donc voilà, ils ont à peu près la même notion géographique que nous. Donc découverte en 1521. Et donc Magellan est décédé là-bas. Et les Espagnols donc, ont colonisé le pays pendant 350 ans, jusqu'à la fin du 19e siècle. Ils n'ont pas laissé grand-chose à part le nom de Philippines, des églises, la religion, c'est pratiquement la seule chose qu'ils ont laissée de leur colonisation. Et quelques noms, les noms des villes et les noms des personnes. C'est la seule chose qui reste de la colonisation espagnole. Ils ne parlent absolument pas espagnol et ils ne comprennent rien d'espagnol. Il y a quelques mots qui sont restés dans la langue, mais c'est à peu près tout ce que... C'est une colonisation des élites. Donc c'était vraiment les élites qui parlent espagnol, mais ça ne s'est pas du tout fait voilà, à la base. Donc la langue n'est pas restée. Ensuite, par contre, donc, il y a eu une petite révolution un peu contre la colonisation espagnole en 1896. Donc une révolution qui a duré 2 ans, mais à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, ben les États-Unis, eux, qui n'avaient pas de colonies, qu'est-ce qu'ils ont eu très peu de colonies, ben ils sont venus coloniser le pays comme le faisaient tous les pays occidentaux à l'époque. Et donc les États-Unis ont colonisé le pays en 1899, et ils sont restés jusqu'en 1935, mais eux en moins de 40 ans. Mais leur langue est restée parce qu'ils ont fait de la colonisation en éduquant tous les enfants, en leur apprenant la langue. Et 40 ans d'anglais fait que c'est devenu une langue officielle. Voilà. Et ils ont laissé par contre, Manille, c'est une ville américaine, bien quadrillée, etc. Donc eux par contre sont restés très peu de temps, mais ont laissé beaucoup, beaucoup de choses. Bien ou mal, mais ils ont laissé beaucoup plus de choses parce qu'ils ont fait une colonisation de la base. Voilà. Donc, ils sont restés jusqu'en 1935. Où là, les Philippines ont reçu une sorte d'indépendance, ils sont rentrés dans le Commonwealth. Mais ça n'a pas duré longtemps, puisque ensuite il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, et là par contre il y a eu une troisième occupation, très courte mais très violente, puisqu'il y a eu, les Japonais ont colonisé les Philippines, et ils ont massacré à peu près 1 million de personnes sur une population de moins de 20 millions de personnes. Donc c'est 5% de la population a été massacrée par les troupes japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pour terminer, donc ils ont fini par avoir leur indépendance définitive le 4 juillet 1946, le même jour que l'Independence Day américain. C'est pas anodin. Il y a une révolution populaire assez impressionnante où il n'y a pas eu un seul mort. Et ça, c'est la grande avenue qui traverse Manille, qui porte toujours ce nom. Et l'église catholique en particulier ayant une très forte influence sur la population. Le cardinal Sin, c'était vraiment une figure emblématique à l'époque, c'était l'archevêque de Manille. Voilà, donc le clergé a appelé les gens à descendre dans la rue, mais de façon pacifiste. Ils ont célébré des messes en plein air. Les chars, Marcos a envoyé les chars contre la foule. Et là, le cardinal Sin s'est interposé et les chars n'ont pas attiré. Donc il n'y a pas eu un seul mort. Voilà, donc ça a été la fin de l'ère Marcos, c'est faite par un soulèvement populaire pacifique. Et donc c'est la veuve de Aquino donc, qui était rentrée, donc Cory Aquino, qui a été donc la présidente de la République suite à Marcos. Donc elle a été assez appréciée, disons, par le peuple philippin. Et après, donc, se sont succédés Estrada, donc, qui a été obligé de démissionner parce qu'il était corrompu au possible. Tout récemment, donc, il y avait Gloria Arroyo. Et juste donc, quand on est allé, nous, il y avait l'élection qu'on a un petit peu suivie ici de Noynoy Aquino, donc, qui en fait est le fils de Cory Aquino, qui prenait la présidence en juillet quand on y allait. Donc beaucoup d'espoir était mis dans ce nouveau président. Qui espérait-il aller pouvoir faire changer les choses, et notamment par rapport à la corruption, qui est quand même le fléau majeur des Philippines. Alors juste un petit détail, puisque voilà, ils en sont très fiers. Donc en 1995, il y avait eu les JMJ à Manille, donc les Journées Mondiales de la Jeunesse, et ça avait été le plus grand rassemblement chrétien de l'histoire. Voilà, donc ça s'était passé à Manille. voilà, on vient d'écouter la conférence que Frédéric avait enregistrée du Secours catholique. Présentée par Alexia et Nicolas Tandaï. Voilà. Voilà, d'accord, merci. Et donc, on va s'écouter un petit morceau et puis on se retrouve juste après pour parler de la Corica. Bonjour, nous sommes toujours en direct avec Frédéric sur Anchieta Irratia 90.5 et 89.7. Donc nous sommes en direct pour l'émission It's a Truc. Donc on va maintenant écouter... Frédéric qui va nous présenter la Corica. Oui. Voilà. Elle est partie de Tribune. Oui. Et elle est arrivée à dimanche à 5h à Saint-Sébastien. Oui. Elle est passée le 12 à Andail vers 11h du soir. Il y a eu beaucoup de courageux malgré le temps tardif de la Corica, mais une course c'est toujours comme ça. D'accord. Et là, nous allons écouter un morceau de la Flash Mob. Juste avant, tu peux nous dire, il y avait du monde, il y avait un peu de la foule. Oui, oui. Ouais. Mais lors des passages aussi, il y avait de la foule. Oui. D'accord. Donc en ce moment, on écoute juste derrière. Donc c'est bien la musique de la Corica. Zailer ginen, enpresari eta sindikatu ginen, lesbiana etero gehi ginen, gehiak izan ginen nahikoa ez ginen, euskarak ari izango gara, pausoz, pauso, gelditu barik, pausoz, pauso, maitatu ari. Donc, Frédéric, en ce moment, donc c'est bien la musique de la Corica qu'on écoute. Oui, la Corica, ça servait aussi de flash mob pour le départ de la course. D'accord. Ils ont fait une flash mob. D'accord, donc c'est leur DVD, c'est leur, voilà. Leur musique à eux. Hein. Je Donc nous sommes toujours avec Frédéric pour l'émission It's a Truc. Donc Frédéric, peux-tu nous parler un petit peu, c'est organisé par qui un petit peu la Corica pour les auditeurs qui nous écoutent actuellement? La Corica est organisée par AEK. Oui. C'est bon, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller dans les Icachola, ils donnent des cours en basque le soir. C'est pour apprendre le basque. C'était la 17e année cette année, mais il y a aussi la Corica des enfants. C'est toutes les écoles des Icachola qui ont été de Cassé-Luzara en ville jusqu'à la mairie. Ils ont fait un petit chemin, quoi. D'accord. C'était le 8. D'accord. Il y a eu beaucoup d'enfants là, pareil. Mais c'était toutes les écoles des Icachola qui ont participé, quoi. Les 250 élèves. Donc une belle journée, ça s'est bien passé. Oui. Ça s'est. Il y a eu du monde aussi qui regardait. Il y a eu du monde, d'accord. Et c'était quoi le but de la Corica déjà pour les enfants? Tu peux nous remettre. Mais il disait le slogan qu'il y aurait à voir parce que par rapport au slogan de d'AEK qui c'est Euskalari Kari. Pasatu dut pentsamendua zuan, aspaldian hau laguntzen loa. Atzerako biderik ez aldaukate salgai, bizitzaren azoka. Yeah. Et vous êtes toujours en direct avec l'émission Itza Truc sur Anchieta Irratia 90.7 et 89.7 avec Frédéric toujours ici présent. Et Fabrice. Voilà, donc on vient de s'écouter un petit son. Donc on va se parler, on va parler là d'un peu de ce qui s'est passé dimanche dernier. Oui, par rapport à la journée. Voilà, du dimanche collective famille. Voilà. Donc tu étais présent, il me semble. Oui, j'ai regardé quelques ateliers. Quelle activité, voilà. Oui. D'accord. Moi-même, j'étais présent en matinée. Donc, tu as trouvé très bien. Oui. Il y avait beaucoup d'associations. Oui. D'accord. Très bien. Donc, on s'en parle. Donc, juste après, on va faire un interview par téléphone. Donc, avec une des responsables qui était présente ce jour-là. Anchieta Irratia. .com. Entzun. Anchieta Irratia. Luxu eta maitasun hotxak. Gonekin erobero. Txingurri hotxak. Mundu hotxak. Gure kunka. Herri mugimenduaren ahotsa. Anchieta Irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gaubeko zortzitatik behatzik arte. Herri hotxak. Pausu mediak ekoiztutako saioak. irubebikoitza@herriotsak.info It's a truc, dernier jeudi du mois de 14h à 15h. Et aussi sur le blog It's a truc. Et aussi sur le blog. Anchieta Irratia dago guai. Egunero 11:30etatik 12:00etara hartu mokadutxoa, tartekoa, aperitifa edota 11:00etakoa Anchieta Irratian gurekin batera. Iparrorratza emankizuna intzin, bazkala aurrekoa duzu, astelenetik ostiralera, elkarteak, musika, kronikak, eta guzti hau baino gehiago gurekin batera konpartitzeko, eta guk zurekin astelenetik ostiralera, 11:30etatik 12:00etara, bazkala aurrekoa Anchieta Irratian. Jadis les parents des morts vous mettaient dans le bain. De bonne grâce ils en faisaient profiter les copains. Il y a un mort à la maison si le cœur vous en dit. Venez le pleurer avec nous sur le coup de midi. Mais les vivants aujourd'hui ne sont plus si généreux. Quand ils possèdent un mort ils le gardent pour eux. C'est la raison pour laquelle depuis quelques années des tas d'enterrements vous passent sous le nez. Des tas d'enterrements vous passent sous le nez. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards, corbillards, corbillards, corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. Les petits macabées, macabées, macabées, macabées ronds et prospères quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils. Donc nous sommes toujours en direct avec l'émission It's a Truc avec Frédéric. Frédéric. Voilà. Et donc on s'écoute Georges Brassens et on, juste après, donc comme j'avais dit avant, on va appeler une responsable donc, qui était là ici présent le dimanche, Céline Potard. Voilà. Donc on se retrouve après ce petit. Les malheureux n'ont même plus le plaisir enfantin de voir leurs héritiers marrons marcher dans le crottin. L'autre semaine des salauds à 140 à l'heure vers un cimetière minable emportait un des leurs. Quand sur un arbre en bois dur ils se sont aplatis, on s'aperçut que le mort avait fait des petits. On s'aperçut que le mort avait fait des petits. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards, corbillards, corbillards, corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. les petits Maccabées, Maccabées, Maccabées, Maccabérons et prospères, quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps. Les belles pompons, pompons, peu funèbres, on ne les reverra plus, et c'est bien attristant. Les belles pompes funèbres de nos 20 ans. Plutôt que d'avoir des obsèques manquant de fioritures, j'aimerais mieux tout qu'on te fait me passer de sépulture. J'aimerais mieux mourir dans l'eau, dans le feu, n'importe où, et même à la grande rigueur, ne pas mourir du tout. Oh, que renaisse le temps des morts bouffis d'orgueil, l'époque des m'as-tu vu dans mon joli cercueil, ou quitte à tout dépenser jusqu'au dernier écu. Les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul. Les gens avaient à cœur de mourir plus haut. Donc on va se... Donc Frédéric, on va faire l'interview avec la personne la responsable de la petite enfance qu'on a. Coordinatrice de la maison de la petite enfance. La coordinatrice, voilà. Voilà. Bonjour, c'est Céline, Céline Potard, ça. C'est ça. Voilà, donc vous êtes en direct avec Fabrice, ici présent. D'accord. Sur Anceta Iratia. Et donc de l'autre côté, nous avons Frédéric qui va vous poser un petit peu quelques questions pour savoir comme un peu comment ça s'est déroulé. Ben ce dimanche dernier, un petit peu, s'il y avait du monde. Voilà. Bonjour Céline. Bonjour Frédéric. Dimanche, l'organisation du collectif Famille à Andaï. Oui. Il y a plusieurs associations qui ont participé à cette journée. Voilà, tout à fait. Alors, le collectif, je vais peut-être commencer par présenter peut-être le collectif, parce que oui, je ne voilà. sais pas si tout le monde connaît le collectif Famille d'Andaï. Donc le collectif Famille d'Andaï donc, regroupe, comme vous le disiez si bien, des professionnels de l'enfance et de la famille, des parents bénévoles qui s'engagent à mener des réflexions et des actions dans le cadre du réseau Appui Parents 64. Alors il faut savoir qu'il est composé de parents bénévoles, du CCAS de la ville d'Andaï, du centre social de l'ENSAT, du service animation enfance-jeunesse, de l'association de Trédignon, de la crèche familiale au Clair de Lune et de la CAF de Bayonne. Voilà. Donc, ce collectif, il sert un petit peu, le collectif, il souhaite donner la possibilité aux familles de partager et de vivre ensemble des moments en famille et entre familles dans un cadre convivial et non jugeant, de favoriser la parole du parent dans ses questionnements, de mettre en valeur leurs compétences éducatives dans le respect et le soutien, mais aussi d'optimiser un travail en réseau des acteurs locaux déjà investis dans des actions d'accompagnement à la fonction parentale. Et voilà, et enfin recenser et répondre aux demandes des familles. Alors, comme vous le disiez, on a organisé donc dimanche dernier la journée, ce qu'on appelle la journée des familles andaïaises, autour du thème « Voyage autour du monde ». Donc, c'était le dimanche 10 avril. Donc, autour d'ateliers créatifs c'était, et de... autour du monde. C'était par rapport au cinquième regard artistique qui s'était en Daï. Voilà, tout à fait. C'était dans ce cadre-là, hein, dans le cadre des regards artistiques organisés par le service culturel de la ville d'Andaï. Donc, nous sommes associés donc à cet événement et proposés de notre côté voilà, des ateliers créatifs. D'accord, très bien. Et on peut. Il y avait combien d'associations à peu près dimanche? Alors, l'association, c'est celle que j'ai citée, hein, celle qui compose finalement. C'était les principales, disons. Les principales, mais il y avait aussi la participation qui est venue gracieusement. Donc, Alma Ritana qui nous a proposé donc un spectacle de danse, danse orientale et danse espagnole. Mmh. Et aussi Dani Vanda Boss qui nous a fait. Qui a proposé aussi gracieusement une initiation au Qigong. D'accord. Voilà. Et il y a aussi l'anétique qui a fait des... Et l'anétique, alors oui, et l'anétique et Lina, que il ne faut surtout pas oublier, voilà, qui est intervenue, qui a proposé une initiation, ou du moins une sensibilisation aux percussions. Voilà, avec un animateur voilà, très très compétent et avec une bonne démarche pédagogique, il faut le dire. Voilà. D'accord, donc un très beau dimanche, donc. Oui, un beau dimanche. Alors, le temps n'était pas au rendez-vous. Oui. Le temps n'était pas au rendez-vous, mais cependant, les familles andaïaises se sont quand même déplacées. Je pense que c'est un rendez-vous maintenant annuel. Hein, ils ont bien repéré cette manifestation qui a lieu à chaque fois au printemps, hein, en avril, en règle générale. Donc, ils se sont déplacés. Le matin, assez calmement, mais le public du matin est revenu l'après-midi. Voilà, donc on a eu pas mal de personnes au cours de cette agréable journée. Et voilà. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire comme atelier ? Alors, il y avait des ateliers donc créatifs. Il y avait des ateliers, alors il y avait fabrication de cerfs volants du monde, des fabrications de mandalas. Il y avait la préparation aussi de cocktails, voilà, très originaux. Fabrication aussi de poupées russes et japonaises. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Il y avait un atelier déguisement, habillé ton parent. Un atelier assez ludique aussi. Tous les ateliers sont ludiques. Hein. Et une sensibilisation au Qigong et aux percussions. Voilà ce qu'ont pu faire les parents avec leurs enfants. Hein, ça, c'est important de le dire. Hein, c'est vraiment une journée en famille, pour les familles, pour faire entre familles. Voilà. Donc, en même temps, c'était une journée un petit peu internationale. oui, pour le coup, oui, c'est ça. Pour hein, le coup, il y a eu donc différentes familles de différentes cultures. C'était le but de faire partager un peu cela aux familles étrangères à Hangaï, on va dire. Enfin, alors, disons que il y a oui, enfin oui et non, il y avait beaucoup de familles, la plupart sont des familles andaïaises, mais c'est vrai que certaines sont récemment arrivées sur Hendaye. Voilà, sont récemment arrivées sur Hendaye. Le Trait d'Union nous a dit, alors le Trait d'Union, qui est une association d'accompagnement parents-enfants, qui avait choisi ce thème de cerf volant du monde parce que au moment de leur permanence, ils se sont rendus compte qu'en recensant toutes les origines des familles, beaucoup, ils avaient 13 nationalités différentes. Ils se sont rendus compte de ça. Donc c'est vrai, ça collait parfaitement au thème. Et voilà, du coup, ils ont choisi de partir sur chacun représenter finalement le cerf-volant de son pays d'origine, on va dire. Voilà. D'accord. Parfait. Donc une belle manifestation, hein, donc. Hein. Oui. C'est donc positif pour la partie remise pour l'année prochaine. Bien sûr, oui, partie remise pour l'année prochaine. Voilà, c'est vrai que nous, à la fin de chaque animation, comme ça, nous remettons des questionnaires aux familles pour avoir leur avis, pour recenser, si vous voulez, leurs besoins aussi, leurs attentes, pour voir comment ils ont apprécié la journée. Donc nous, ça nous aide à évoluer et répondre au mieux aux besoins et aux attentes des familles. Donc quand même, quand on a un petit peu épluché évidemment les questionnaires et il y a eu un très très bon retour, il faut le dire quand même, des familles, ce qui est très encourageant pour le collectif, très encourageant et très gratifiant aussi pour le travail et l'investissement des bénévoles au sein du collectif. Et gratifiant pour le collectif d'une manière générale. Voilà. Parfait. Donc, on remercie donc tous ces bénévoles. Je crois que Frédéric, tu veux rajouter quelques mots peut-être. Oui, excusez-moi. C'était par rapport à la journée là. C'était une journée, mais vous faites plusieurs animations dans toute l'année, quoi. Exactement. Et la prochaine est quand ? Alors, la prochaine, parce que voilà, dans le cadre du collectif, nous organisons donc plusieurs manifestations. Donc la journée départementale des familles qui est passée déjà le 5 mars. Donc cette journée des familles andaïaises qui vient de passer le 10 avril. Et la prochaine, nous organisons des soirées débats, des soirées discussions autour de thématiques liées à la parentalité. Donc effectivement, on va avoir une prochaine soirée, une soirée café-théâtre le 20 mai à 20h30 au Soco, donc au casino. d'Andaï sur le thème « Cultivons le respect en famille » avec l'intervention de l'association Courant d'être. Alors, dans un premier temps, il y aura une pièce de théâtre et sera suivi après d'un débat, d'une discussion autour du thème du respect, du mieux vivre ensemble. Voilà, c'est gratuit, un cocktail offert, et c'est ouvert à tous. Voilà, toujours dans la convivialité et dans le non-jugement, voilà, c'est non-jugeant, c'est des soirées très conviviales où chacun peut parler de ses propres expériences et avoir des pistes de réflexion aussi sur des questionnements. Voilà, voilà. Donc, notre prochaine soirée au Soco, le Vernet à 20h30. 20h30, et si on veut plusieurs renseignements, on vous appelle. Voilà, je peux vous donner mes coordonnées si vous le souhaitez. Donc, à la maison, je suis Céline Potard, donc à la maison de la petite enfance, au 05 59 20 33 32, ou au centre social de Nensat, au 05 59 20 37 63. Eh bien, c'est parfait. Donc, mais tout est noté, tout est entendu. On vous remercie donc, Céline, pour cette interview. Merci beaucoup, c'est Céline. C'est moi qui vous remercie. Et on remercie également, bien sûr, toutes les associations qui étaient là et bien sûr la ville d'Andaï. Voilà. Merci bien. Merci. Au revoir. Quiere romper las manos porque tiene que cantar. El ritmo del protector bucal, el bombo de la ciudad. Le golpea en el culo, golpea y nada más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Por aprender a ladrar, si solo es un cerdo nadie lo respetará. Es un chico muy malo y se portó muy mal, pero lo perdonamos porque somos lo más bajo de la alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Señor banquero, devuélvame el dinero. Por ahora es lo único que quiero. Estoy cansado de los que vienen de amigos y solo quieren rellenarme. Voilà, nous sommes de retour sur Anchieta et Iratia 90.5 et 89.7 pour l'émission It's a Truc. Frédéric. Oui. Donc voilà, nous avons un agenda culturel de prévu. Oui. Alors apparemment, pas mal d'animations pour ce mois de mai. Oui, c'est tout à fait. Faut avoir un papier et un crayon. Ouais, tout à fait. Prévoir un petit peu de quoi noter, parce qu'apparemment il y a pas mal d'activités à venir. Voilà. Donc on se retrouve juste après, ou tu veux nous en parler maintenant? Je vais vous en parler après. D'accord. Donc Frédéric, on va commencer l'agenda culturel du mois de mai. Oui. Voilà les activités qui vont se dérouler tout ce mois de mai sur la commune d'Andaille, essentiellement. Oui. Voilà. Et sur Andaille, oui. Voilà, alors, comme on disait aux éditeurs tout à l'heure, de prévoir de quoi écrire, de quoi noter, car apparemment il y a pas mal d'activités. Oui, déjà il y a le mai du théâtre, il y a le salon du printemps. Berriz lurrari baino Hortziari gehiago Eusten. Il y a aussi des expositions à Mendizolan, il y en a trois. Oui. Il y en a une du 26 mai jusqu'au 7. Oui. Après il y en a aussi c'est une exposition de peinture François Martin Dupont. Après, il y en a une autre, c'est un collectif, Claude Billet. Il y a aussi un spectacle 30, Encho et Kassa, mais il faut réserver, c'est gratuit, mais il faut réserver parce qu'il y a 200 places et il faut se renseigner au... D'accord, bah on ça exactement à la mairie. Service culturel d'Andaille, c'est à Mendizolan, c'est sur place quoi. En même temps, vous pourrez voir les expos. D'accord, parfait. Donc on continue l'agenda. Qu'est-ce que tu nous as à nous proposer après? Il y a aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, l'Aniti Kigina. Oui. Qui propose une soirée cabaret au hall, où il y aura plusieurs groupes. D'accord. C'est le 6 mai. Ouais. L'entrée, soit vous prenez le repas et le concert, ou soit que les concerts, mais il faut se renseigner à l'Aniti Kigina pour avoir plus de renseignements. D'accord. Sans soirée. Parfait. Il y a... Pour le 7, donc, on a la chorale. Voilà, c'est ça. Oui, c'est à Saint-Vincent. Voilà, donc tu nous expliques un peu la chorale, t'as des infos Non, pas spécialement. Non, c'est organisé par la chorale Enzo. Oui. C'est une chorale d'Andaille. Donc c'est à l'église Saint-Vincent. C'est à l'église Saint-Vincent. Oui. Voilà, donc on se retrouvera là-bas. Et également donc le 8. Oui, la cérémonie des, de la victoire 1945. Voilà. Parfait. Voilà, donc après, toujours le 8, on retrouve la 4e édition. 40e, pardon, édition. Oui. Descente de la baie d'Assois à la nage. C'est organisé par le club Urpéan et le club de Usurkdé d'Anda Arabia. D'accord. Et donc après le 12, il y a une projection de film aux variétés. D'accord. Avec un débat par la suite, je suppose. Oui. Voilà, ceci, c'est en variété, donc à Andaille. Le 14, il y a Kedare qui organise un apprentissage à la danse basque. Ouais, d'accord. Ma salle polyvalente d'école de la ville. Son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Donc Frédéric, donc on continue l'agenda culturel du mois de mai. Oui. Oui, le 14, c'est à Mendy Solan. Vous avez, c'est organisé par Service Culturel. Vous avez le thème, c'est apprendre et retrouver ses ancêtres grâce à la généalogie. Il y aura des ateliers, des conférences. D'accord. La généalogie, pour ceux qui connaissent pas, c'est la pour les racines des personnes, des grands-parents, les aïeux. D'accord, parfait. Et après, il y a le 14 aussi, c'est la nuit des musées. Ouais. C'est tous les musées, tous les châteaux sont gratuits lors de cette journée. Et à 20h30 jusqu'à 22h30, vous pourriez visiter le château d'Abadia. D'accord. Dandaï. D'accord. C'est entrée gratuite, mais il faut réserver. Sous réservation, bien ouais. sûr. D'accord. Voilà. Allí donde me recreo. Donc voilà, nous sommes toujours en direct sur Anchita Iratia 90.5 et 89.7 avec Frédéric et Fabrice ici pour l'émission It's a Truc. Donc, Frédéric, on continue l'agenda culturel. Oui, oui, pour ceux qui veulent apprendre à chanter, mais en basque, il y a la Andaya Kantu qui organise tout à la fin du mois, mais c'est ce mois-ci c'est le 15 dimanche aux Anciennes Halles. Il y aura à partir de 11h30 jusqu'à 13h des chants en basque. Une chorale. C'est ouvert à tout. Parfait. Il y aura aussi un concert organisé par l'orchestre intercommunal The Garamondi. Ça sera devant le château, c'est pour le 15, c'est pour la visite des châteaux, des nuits du musée. Et ça sera à 16h. Ça à sera 16h, dans la, à 16h donc. Dans l'après-midi. D'accord, parfait. Donc il y a d'autres activités pour le mois de mai, je suppose. Oui. Voilà, donc on continue. En parlant du domaine d'Ambadia, il y a l'arrêt de CETA, ça fait partie du CPIE du littoral basque. C'est inscription conseillée. Ils font des balades nature pour les enfants entre 8 ans et 12 ans. C'est pour apprendre à une promenade ou voilà. Une journée famille. Voilà. D'accord. Pour les enfants. Ils organisent aussi le vendredi 20 à 14h, de 14h à 17h. C'est sortie nature, c'est pour découvrir la végétation des dunes de Sokoburu. C'est inscription aussi conseillée et ça se passe à Sokoburu. Pour plus d'informations, il faut appeler le littoral basque. D'accord, très bien. Au 05 59 20 37 20. Mais parfait, parfait, parfait, Frédéric. Tu as autre chose à nous proposer? Oui, il y a les fêtes des écoles avec l'Amérique laïque. et ça se passe aux variétés, c'est le jeudi 26. D'accord, parfait. Donc beaucoup, beaucoup d'activités. Il y a aussi le Nansa Karika. C'est un repas spectacle. C'est Emuto et Tabiloki. C'est un groupe d'Andai. C'est organisé par Eclaré. Ils sortent leur nouveau CD. Donc il y aura un spectacle repas. Ça se passe au Hall. Et au Fronton Gassu Sahara. Voilà, ça sera le samedi 28, pardon, excuse-moi. Donc le samedi 28. 28, c'est de 10h. Repas. 10h30 jusqu'à 1h du matin. D'accord, parfait. Et voilà, c'était donc l'agenda culturel du mois de mai présenté par Frédéric. Et Fabrice. Et Fabrice. Sur Anchita Iratia 90.5, je le répète, et 89.7 pour l'émission It's a Truc. Et dans le blog It's a Truc. Et bien sûr, oui, tout à fait. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le blog It's a Truc.wordpress.com. By your side, I want your sweet helping hand. My love's too strong to hide. Always lived very quiet life. I never did no wrong. I know that life without you has been too lonely, too long. One night with you is what I'm now praying for. Et bien voilà Frédéric, donc on arrive à la fin de cette émission donc. Oui. Voilà, donc on peut se retrouver tous les jeudis derniers du mois, c'est ça? De quelle heure à quelle heure? 14h, 15h, 15h, c'est ça? Voilà. Et pour les personnes qui n'ont pas eu le temps de tout écrire, ils peuvent aller au site de la ville où il y aura... Sur le site de la mairie d'Andai. Voilà, d'accord. Ville. Pour retrouver toutes les informations, toutes les informations et d'autres choses aussi. D'accord. C'est parfait, c'est noté. Donc on peut tout retrouver sur le site de la mairie d'Andai pour retrouver toutes les informations de l'agenda culturel et même plus. Voilà. L'émission se termine. On vous remercie. Frédéric, on te remercie. Ouais, merci Fabrice, à toi aussi de m'avoir aidé. C'est parfait, on se retrouve donc tous les jeudis derniers du mois. 14h. 14h, 15h. Merci Frédéric, merci à vous. Thank you.